La traversée du pont du Catane marque l'emprise automobile maximale sur le paysage sonore. Les autres sources disparaissent alors de la perception. Mais ce même principe lié au flux de circulation engendre des situations assez diversifiées à l'écoute. En voici quelques exemples. Sur le pont de Catane, enregistré juste au-dessus du Drac, voici le flux dans le sens est-ouest, l'axe des boulevards. Toujours sur le pont de Catane, mais au-dessus de l'autoroute, les deux axes de circulation mixent deux systèmes sonores différents en fréquence et en rythme. Événementiel et modulé pour le boulevard, quasi constant et proche du bruit blanc pour l'autoroute. Au même endroit, sur le pont de Catane au-dessus de l'autoroute, mais un jour de pluie, l'intensité sonore atteint son point culminant. Sur la chaussée mouillée, les sons se prolongent jusqu'à former une masse compacte, très riche en fréquences aiguës. Devant l'église Saint-Jean à Grenoble, la situation sonore est comparable à celle enregistrée sur le pont de Catane. Ici, nous sommes pourtant en pleine ville. Sur l'autopont, au-dessus du cours Jean Jaurès, nous retrouvons une situation sonore à double entrée. Tout d'abord la circulation polymorphe du cours avec ses ralentissements et ses manœuvres, bientôt recouverte par le flux rapide des boulevards. Dernière situation illustrant les paysages sonores des grands axes routiers, le boulevard Jeanpin devant la mairie de Grenoble. En l'état, une telle image acoustique ne laisse que peu de chance à cet espace public pour devenir multimodal.